Évariste Ndikoba Nyanga. Bienvenue en ce journal, c'est la dernière édition de ce 4 novembre 2017. Donc voici d'abord le sommaire. Le projet de loi portant révision de la constitution burundaise fait toujours verser de l'encre et de la salive. Des points de discorde au sein de la classe politique que vous entendrez à ce journal. Jean Dodier Moutabazi, président du parti Rendez-vous, et le député Pierre-Célestin Dikoumana de la coalition Amizero Yabarundi. À une semaine de la finale du Sanganiro Award, les concerts sont en cours dans différents coins du pays pour que le public puisse lire la chanson de l'année. Emeline Nibogura, présidente de la commission chargée de